On n'est pas comme eux, je reviens de loin, y'avait rien. Tout commence par l'histoire d'un jeune Algérien. Un jeune Algérien qui s'est souvent gamé. Le dépôt, la gamelle, le dispatch, la sortie. Avec élégance, il s'est toujours relevé. Y'a que devant sa mère qui ravale sa fierté. J'ai pas de rivaux, t'fais caca, t'es un riverain. J'm'arrête pas, j'suis une rivière, t'éteins pas, j'suis une galère. J'dirais pas que j'suis futé, mais ma gueule, j'suis têtu. J'ai tâté le zifu, style de fou, spliff au bec. Ils ont fini de bec, t'es ma broutille est classée. Guette la classe, Bendero, du pack, tu vends des kilos. T'as rabla, vingt cali, ton classé, c'est une queue, ton bigo, il est froissé. Et tu fronces ses sourcils. La scol, pas de hasard, fous le bazar dans le classement. J'débute sale depuis le début, je veux déteindre, je le teins vu. J'ai qu'un but pour des prunes, maintenant j'ai mon prunier. Personne m'a parrainé, j'te parie qu'ils ont seum, casse du seum, pas du smus. RL, c'est ma vie. Devant la juge, j'ai rien vu, c'est pas moi, c'est la rue. Dans cette hurle, j'suis tombé depuis le berceau, elle m'a bercé. Les murs gris, c'est blasant, partant garde à vers mon blaze. C'est bizarre, fais l'enfant pour des bêtises, tu fais le fou. Arrête tes foutaises, ma tête chaude, je vais taper. Ta meuf t'a trompé car tu joues de la trompette. Ma gueule est trompette, fais le trompette et une tapette. Les petits de la cité te voient comme une tepue. La scol à 13 ans, c'est du sale, saurait pu. J'ai pas de répit, me pose pas la question. Du shit de la queue, con, j'en ai coupé des litrons. Jamais plaît, des coupables, des coups durs sur mon tab. Et là, ton pote, t'as pouca pété avec une pouquille. Les poulets l'ont farci, franc, je sais pas, une farce. Ton ami t'a trahi, par principe, tu le fais pas. Un rat, c'est un rat, la squale, c'est pas une raclure. J'ai mangé des raclés, bien plus chaude qu'une raclette. Je rentrerai pas dans vos fêtes, tu dois fêter mon alif. Ravale ta langue, le minot agrandi. Le mini, il manie, baisse la mère à Tony. Le mini, il manie, les minots et barjo. La squale, Bendero, 22 semaines, ça freine pas. 24 sont en 5 mois, c'était la merde, j'y crois pas. Maman, t'inquiète pas, je suis plus fort que papa. Le mini, il manie, les minots et barjo. La squad Bendero, 22 semaines, ça freine pas. 24 sont en 5 mois, c'était la merde, j'y crois pas. Maman, t'inquiète pas, je suis plus fort que papa. On a tout niqué, c'est au taille. Maman, t'inquiète pas, je suis plus fort que papa. Voilà. Il est parti ce vilain, mais t'auras ta villa. T'es tu comme Tartuffe, t'es tout seul, moi et mon spliff. Moi et ce regard pensif, qui aurait cru, qui aurait dit. J'ai écrit, c'est parti maintenant, je vais me faire tonner.